Les robots vont prendre vos boulots. Commencez à penser au temps libre. Pour le salaire, www.patron.com. Amis humains, bonjour. Voici le numéro 2 d'une série d'émissions sur l'histoire de la robotique, telle que nous souhaitons l'aborder, se décline selon deux axes, son aspect philosophique, traité par les indices de la mythologie et de la littérature, et ses différents aspects technologiques, décrits depuis les automates jusqu'au domaine de la vie artificielle puis à ce que nous appellerons la biologie artificielle. N'est-il pas étonnant que la science avec son énorme flot quotidien de publications tienne aussi peu de place dans les médias, en particulier les journaux télévisés? Nous souhaitons également promouvoir la créativité en science. La robotique a un aspect ludique et artistique qui peut se révéler le moteur d'un changement d'attitude, tant au niveau de la création qu'à celui de l'acceptation par le public de progrès qui nous mèneront très progressivement mais sûrement en direction d'une robotique humaniste, au service de l'humanité. Suite de mythologie et littérature, le golem se retrouve de loin en loin dans la Kabbale, ainsi que dans les légendes des pays d'accueil du peuple juif. C'est donc surtout en Europe centrale, essentiellement, que la tradition se perpétue, jusqu'à pas le plus, remontant jusqu'aux écrits profanes en 1674, avant Arnim, Isabelle avant Égyptan, en 1812, puis Hoffmann, Les Secrets, en 1820 s'empare du mythe pour le faire entrer dans la littérature. Mary Shelley immortalise un golem de chair en 1818, avec Frankenstein ou le Prométhée moderne, qui reste encore aujourd'hui l'un des mythes les plus populaires du fantastique. Frankenstein est une créature artificielle d'apparence humaine. Bien que ressemblant à un homme, elle fonctionnait comme une machine, composée de pièces aux formes humaines mais assemblées à l'aide de boulons. Le golem gagne un mécanisme d'horlogerie dans la tête en 1842 d'Ander Rabbi von Prah, de Udehorn. En 1921, un dramaturge tchèque, Karel Kapp, a écrit une pièce intitulée RUR, pour Rossum's Universal Robot. C'est à Kapp qu'on attribue généralement l'invention du terme robot, dérivé du tchèque robota signifiant travail forcé, corvée ou servage. Dans cette pièce, de petits êtres artificiels à forme humaine obéissent aux ordres de leur maître. Il ressort de ces exemples, et d'autres du même ordre, un paradigme fortement ancré dans l'imaginaire occidental. L'esclave artificiel finit toujours par échapper au contrôle de son créateur et à se retourner contre lui ou contre l'humanité. Cela semble lié à une transgression fondamentale, animer l'inanimé, c'est prendre la place de Dieu. Les histoires de créatures artificielles semblent toujours entachées du péché de l'apprenti sorcier qui a osé dépasser les pouvoirs attribués à l'homme par une certaine tradition religieuse. Ce n'est peut-être pas un hasard si le Japon, dont la mythologie est, à notre connaissance, totalement dépourvu d'histoires de créatures artificielles malfaisantes, devient le berceau d'une robotique éminemment ludique. Nous y reviendrons. Le terme robotique va être inventé, en 1942, par Isaac Asimov, docteur en biochimie, dans la nouvelle Runarun, cercle vicieux. Contrairement à la mythologie culpabilisante et pessimiste sur la création d'un être animé, Asimov, athée d'origine juive, est convaincu que ce sont les humains qui sont directement responsables des problèmes de notre société et non pas quelques créatures métaphysiques. Il est un fervent défenseur de la pensée scientifique. Fin de cette deuxième partie, à bientôt. Grosse bise numérique.